Anonyme, octobre 1966, décembre 1966. Pour dire le vrai, parmi les différentes étapes auxquelles les humains sont confrontés dans leur développement incertain, la maternité m'est souvent apparue comme l'une des plus difficiles. Je ne nie pas la force de l'instinct maternel, dont les lieux communs, l'éthologie animale et parfois les psychologues eux-mêmes nous rebattent les oreilles. Je ne le nie pas. Je dis combien je l'ai vu souvent lutter contre l'instinct de conservation, contre la conscience de soi, contre le désir d'être libre, contre la tentation de l'éternelle jeunesse. L'instinct maternel est une force puissante et bénéfique, une lumière sans laquelle le monde serait plus aride, mais cette lumière est assaillie d'ombres gigantesques de toute nature et livre chez certaines femmes un combat perdu d'avance. Qu'elle soit trop jeune ou trop âgée, trop amoureuse de son conjoint ou victime d'un viol exécré, qu'elle soit inconsciente par manque d'intelligence ou asséchée par l'hypercérébralité, qu'elle soit anorexique ou boulimique, suicidaire ou nymphomane, trop pauvre ou trop humiliée, trop dominatrice ou trop capricieuse, la femme a presque toujours du mal à être mère, à incarner cet idéal d'une élévation insensée, angélique, à endosser cette responsabilité absolue. On demande peut-être aux hommes d'être puissants, et cette exigence de puissance parfois les brise. Songeons un instant à ce que nous demandons aux femmes dans notre société. Être mère, c'est être la divinité qui protège, guide et nourrit, qui renonce à son être propre pour ne porter que ses fruits, qui pardonne, patiente, qui prend sur elle les douleurs, qui voit, écoute, ressent pour le bien-être des autres. Aucune mère n'est une déesse. Et les enfants poussent, bon an, mal an, avec celle que la fortune leur a donnée, malgré le désamour, malgré l'égoïsme, malgré la folie, malgré l'inconséquence. Les blessures de la maternité sont nombreuses, saignantes et infectées de poison. Les mères castrent, les mères tuent, les mères écrasent, les mères rejettent, les mères abandonnent. Et c'est un de ces pauvres crimes ignorés, perpétrés dans les larmes, regrettés et tués, de ces crimes innombrables, que les psychanalystes font leur pain quotidien. Si je m'honore parfois d'exercer un métier de haute noblesse, à certains jours je me fais l'effet d'un vautour. J'ai parfois aidé les adultes à panser de vieilles plaies, mais je n'ai jamais sauvé d'enfants. Peut-être est-ce là le nœud qui m'étrangle et m'attache à la famille H. Peut-être était-ce là l'unique occasion offerte par le destin, le kairos suprême de mon existence inutile. J'ai vu ces enfants en danger et je ne les ai pas sauvés, ni l'un ni l'autre. Après la mort de Jessica, je passais un certain temps sans nouvelles des H. Leur tragédie, toutefois, m'avait touché. Je me surprenais souvent, soit à penser à eux, soit à parler d'eux à mes confrères, soit à demander à telle ou telle personne susceptible de les connaître des bribes d'informations. Monsieur H. n'interrompit pas sa brillante carrière, et Madame H., après une période de deuil réglementaire, reprit ses bridges du jeudi et ses anniversaires de mariage, auréolés de l'admiration un peu stupide que provoquent en province les destins sortant de l'ordinaire. Je finis par les oublier, ou du moins, par les enfouir dans un plan inactuel de ma vie. Ils symbolisaient quelque chose pour moi, même si je peinais à savoir quoi et si j'évitais soigneusement d'approfondir la question. Mais je m'étais accoutumé à l'idée rassurante que nos trajectoires s'étaient croisées une seule et unique fois, et qu'aucune nouvelle collision ne m'atteindrait plus. C'est pourquoi je fus particulièrement surpris et ému lorsque je reçus sans préparation aucune la visite de Madame H. dans mon cabinet à une heure tardive par un soir d'hiver 1966. Les fêtes de Noël approchaient, et la neige avait été accueillie à grands cris par les enfants du quartier. Ces petits flocons d'encens, si insolites et si exotiques pour moi, mettaient une note de joie dans le froid et la nuit même. Je me souviens que j'étais sur le point de quitter mon cabinet et de rentrer chez moi, dans la lumière chaude du foyer, lorsque Madame H. apparut, blonde et bouclée par l'humidité, les cheveux saupoudrés de neige, les lèvres gonflées par le froid. Elle était belle et paraissait très jeune, très légère, comme une sorte d'esprit follet amené par décembre. Mon cœur, inexplicablement, se mit à battre plus vite, et je ne crois pas exagérer en disant que j'eus peur d'elle, de son air mutin, de son manteau soyeux, de ses boucles blondes et surtout de ce qu'elle avait à me dire. « Madame H, saluai-je très poliment. « J'allais partir, mais si vous avez besoin de moi pour une urgence... » Elle éclata d'un petit rire amer, qui jurait sombrement avec sa silhouette et sa beauté juvénile. « Rassurez-vous, docteur, personne n'est mort cette fois. » Je décidai d'ignorer cette plaisanterie que je jugeais déplacée et la considérai gravement sans la relancer. Elle ne parut pas s'en offusquer et entreprit de retirer son manteau, son écharpe et ses gants. Elle hésita un instant avec le manteau dans les mains, comme si sa première impulsion avait été de me le donner à suspendre. Mais je n'étais pas d'humeur à jouer le rôle du domestique, et la laissai finalement l'étendre sur le dossier de la chaise qui faisait face à mon bureau. « M'accorderez-vous une brève consultation, docteur ?»« Bien sûr, asseyez-vous, lui dis-je. Voulez-vous que je prenne votre manteau ?» Elle me regarda avec acuité, et je sus qu'elle savait exactement à quel jeu nous jouions. Elle savait que ma question arrivait avec un retard infime, mais significatif et calculé, et que j'avais marqué mon territoire et ma place de médecin en refusant de lui rendre naturellement ce service. Les détails du code social, les arcanes des comportements n'avaient aucun secret pour elle, et elle naviguait avec aisance et adresse dans tous les milieux et toutes les circonstances. « Non, je vous remercie infiniment, ce ne sera pas nécessaire. » Je composai un sourire figé et pris place assez lentement pour masquer la curiosité que j'éprouvais à mon fauteuil. « Vous avez grandi dans les îles, docteur. Vous ne devez pas être habitué à la neige ?» dit-elle d'un ton badin en s'asseyant. Avec d'autres patients, j'aurais rebondi sur cette question, profitant de l'occasion qui m'était donnée de parler un peu de moi pour leur donner confiance et les inciter à la confidence. Mais venant d'elle, cette remarque était agressive, destinée à rétablir l'égalité entre nous. J'étais le médecin, certes, mais j'étais aussi le noir, et elle me le faisait aimablement remarquer. « Que puis-je faire pour vous, madame H ? Êtes-vous souffrante, vos nerfs, peut-être ?» Elle me regarda et fit subtilement changer l'expression de ses yeux, comme si elle cessait de jouer soudainement pour me montrer le fond de son âme, alors que, comme je le sus plus tard, elle jouait toujours, et à un niveau supérieur. Elle me manipula en effet pendant le quart d'heure qui suivit avec une maestria remarquable. « Oh, vous m'avez deviné, docteur. Vous savez, on se joue la comédie, on fait semblant d'être gai, on donne la réplique à tous les personnages qui passent. Mais en dedans, il y a cette fêlure, ces vertiges qui vous font perdre votre équilibre intérieur à chaque pas. Vous voyez, depuis la mort de Jessica, j'ai fait de mon mieux pour faire mon deuil, mais je n'ai jamais réussi. » Que ressentez-vous au quotidien ? Ma voix s'était radoucie involontairement. J'ai été rattrapé par ma compassion native, par mon métier aussi, qui me rend tous deux indulgents à ceux qui souffrent. Et elle avait des accents si sincères que je me laissais duper. Avait-elle lu tout cela dans les romans ? Était-ce une intuition géniale et diabolique ? Une connaissance intime de la psychologie humaine qui lui était donnée en partage sans même qu'elle eût besoin d'éprouver de sentiments ? Cela aujourd'hui me fait froid dans le dos, car il existe de ces personnes, si habiles, si expertes, si savantes, en ce qui concerne l'âme des autres, qu'elles peuvent les plier et les déplier à leur guise, car elles possèdent cette science sans la conscience qui devrait l'accompagner. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », disait Rabelais. Cette femme était capable de sentir et de prévoir les moindres mouvements de votre personnalité sans bienveillance aucune. Elle était la ruine de l'âme des autres, de tous ceux qui l'entouraient. Il y a d'abord mes cauchemars, terriblement vivants, et qui me restent en tête de longues heures après mon réveil. Jessica est souvent là, dans l'eau, ou dans les bras de mon mari. Elle ouvre des yeux vitreux, ou bien elle cherche sans fin sa respiration. Elle ne meurt jamais, comprenez-vous ? Elle n'arrive jamais à mourir, et pourtant elle est perpétuellement en train de suffoquer. Et puis il y a la vie que je n'arrive pas à mener, Audrey et Pierre qui demanderaient beaucoup de soins, et à qui je n'arrive pas à m'intéresser. Car je suis obsédé par l'image de Jessica. Vous voyez, c'est affreux pour une mère de voir ses deux petits devenir chaque jour plus timides et plus silencieux, et de ne rien pouvoir faire pour eux. Vous savez, parfois j'ai l'impression d'être morte moi aussi, d'être dans un cercueil de verre, et de regarder la vie à travers, mais je ne peux pas y participer pleinement, je n'y arrive pas. Des larmes, d'une spontanéité parfaite, à peine retenues, très vite séchées par une main gracieuse, vinrent appuyer ce discours. J'avais oublié sa froideur et la méfiance absolue qu'elle m'avait inspirée dès notre première rencontre. Je pensais, pauvre femme, elle a beau être riche et élégante, elle souffre comme les autres. Et puis, il y a ce problème conjugal avec mon mari, docteur. Il me semble à présent que c'est mal de... Enfin, vous me comprenez, ajouta-t-elle en rougissant très légèrement. Vous ne prenez plus de plaisir aux étreintes conjugales, reformulai-je. Oui, c'est ça, dit-elle à voix presque basse. Mon mari ne se rend compte de rien, mais cela me fait horreur, vous comprenez. Et ce n'était pas le cas avant votre deuil? Non, pas du tout, nous étions très heureux, très bien accordés. Mais l'accident a tout détruit, tout. Lorsque mon mari me touche, j'ai l'impression que Jessica est là, au-dessus de nous, qu'elle nous regarde, qu'elle nous juge. « Je vois, dis-je. Vous avez certainement eu raison de venir me consulter. Tout ce que vous me décrivez montre que vous supportez une intense souffrance morale, que vous avez du mal à porter seul et également du mal à partager. Je peux vous prescrire quelques médicaments légers, mais je ne vous cacherai pas qu'à mon avis, c'est une thérapie par la parole que vous avez besoin. Une psychanalyse ? Demanda-t-elle avec des yeux effarés, comme si le mot lui faisait peur. « Non, pas nécessairement. » Nous pouvons simplement essayer de vous aider à faire votre deuil. » Elle eut un pâle sourire. « Les autres, docteur, est-ce qu'elles y arrivent ? Je veux dire, les autres femmes qui ont perdu leur enfant ?»« Chaque histoire est unique, madame H. Mais vous avez passé le plus dur en laissant couler le temps. Et vous êtes, à ce que je crois, d'une certaine force psychologique. »« Ah, docteur, si j'osais vous parler de... » »« Mais non, je vous remercie. Il se fait tard, je vais y aller. » Sa précipitation était feinte, mais si magnifiquement, si finement jouée. Elle avait compté que je serais à cette minute exactement dans l'état où je l'étais, plein du désir de l'aider, persuadé qu'elle développait une résistance inconsciente à l'idée d'une psychothérapie, piqué par la curiosité du scientifique qui comprend soudain qu'il lui manque une donnée. « Je vous en prie, restez, » lui dis-je avec douceur. « Dites-moi ce pourquoi vous êtes venu me voir. » Elle s'immobilisa, me jaugea du regard, comme si elle évaluait longuement la confiance qu'elle pouvait me faire. « Vous m'inspirez confiance, » dit-elle. « Mon aveu n'est pas facile. »« Je vous écoute, » lui dis-je doucement. « Le secret professionnel vous protège aussi bien que les murs de bois du confessionnal. » Elle sourit. « Voilà, je suis enceinte. » À ces mots, elle fondit en larmes, me laissant seul juge de ce que la nouvelle lui inspirait. Elle était secouée de sanglots violents, mais espacés, assez silencieux. « Quand l'avez-vous appris ?»« Je m'en doutais déjà, mais j'en ai eu la confirmation il y a quelques jours. La grossesse doit être avancée d'environ 2 mois. »« Vous paraissez très perturbé par cette grossesse, » dis-je, à seule fin de la relancer. « Oui, docteur, très, très perturbé. En fait, je ne crois pas que je pourrais la supporter. »« Que voulez-vous dire ?» demandai-je. Tandis que la vérité, comme une lumière qui pointe, commençait à se lever en moi. C'est tellement difficile. Cet enfant qui veut remplacer Jessica. Mais je ne suis pas prête, comprenez-vous? Je ne suis pas prête à la laisser elle. C'est elle encore, mon bébé, et pas cette chose qui veut prendre sa place. Je me sens empli de colère envers cet enfant, envers cette vie qui pousse alors que la mort m'a arraché l'autre. Cet enfant n'a pas le droit de vivre. Je pris une profonde inspiration. Une image de ma mère, cheveux blancs soigneusement tressés sur un visage à peine ridé, et toujours la même blouse fleurie. 12 enfants, dont 3 morts en bas âge, sans jamais la moindre plainte. Une image de mon enfance, des veillées funèbres qui ressemblaient à des fêtes. Un souvenir des chants traditionnels qui rythmaient l'entrée dans la vie, l'entrée dans la mort, comme un passage des saisons. Madame H souhaitait se faire aborter, et c'était là la raison de sa visite. « Il vous faut rassembler votre courage, » lui dis-je avec la même douceur, qui cette fois était feinte. « Cet enfant a autant le droit de vivre que Jessica. Vous avez encore quelques mois pour l'accepter, et je vous y aiderai. » Elle sourit faiblement. « Vous êtes bon, docteur, mais je n'en suis pas capable. Qu'avez-vous en tête ? Vous savez bien, docteur. » Elle se tut, baissa la tête, comme si elle éprouvait quelque honte à prononcer le nom du crime à haute voix. « Vous me demandez de l'aide pour un avortement ?» dis-je mécaniquement afin que tout soit bien clair. « Oui, docteur. » Elle paraissait si humble, si discrète, si petite dans sa chaise. « Vous savez que ce que vous me demandez là est considéré comme un crime par la loi française. Bien sûr, docteur, je suis consciente de tout cela, consciente et désespérée. Je hochai la tête gravement. À mesure que les phrases sortaient de ma bouche, je me disais de plus en plus clairement que je ne pouvais pas répondre ainsi dans la précipitation. « Revenez me voir demain, » lui dis-je un peu plus brusquement que je ne l'aurais voulu. « Je vous donnerai ma réponse. » Mon ton ne souffrait pas de réplique. Elle se leva, endossa son manteau, chaussa ses gants, noua son écharpe. Puis elle me regarda dans les yeux, longuement, ses yeux clairs fouillant l'ombre des miens comme un rayon de lumière. « Je vous remercie de votre écoute et de votre compréhension, docteur. Combien est-ce que je vous dois ?»« La consultation est à 130 francs. » Elle sortit de son sac un élégant portefeuille en cuir, probablement italien, et me paya. « Et pour les médicaments ?» demanda-t-elle. « Nous verrons demain, » dis-je. Elle sortit sans bruit, et je restai un temps assez long seul. Comme j'en ai l'habitude lorsque j'ai besoin de méditer, j'allumai une cigarette et me mis à faire les 100 pas. La nicotine a toujours été pour moi un excellent stimulant intellectuel, et je n'ai jamais pu réfléchir convenablement sans fumer. Je commençais par me remémorer activement notre entretien à la lumière de ce que j'avais appris. Elle était venue me voir, moi. Pourquoi pas leur médecin de famille? Pourquoi pas son obstétricien? Plusieurs raisons pouvaient l'expliquer. D'abord, je n'appartenais pas à son cercle de relations et son secret risquait d'être mieux gardé. Ensuite, je ne l'avais vu qu'une fois, à l'occasion de la mort tragique de son enfant. Je devais donc être disposé à la prendre en pitié. Je devais tout naturellement faire la relation entre la mort de Jessica et cette grossesse, interpréter son désir d'avorter comme un symptôme de sa douleur. Or, un médecin qui l'eût mieux connu eût peut-être été moins crédule. Enfin, n'étais-je pas plus ou moins louche entre la couleur de ma peau, mon cabinet en centre-ville, ma clientèle populaire? Ne devais-je pas faire des anges tous les jours? Je tirai sur ma cigarette avec rage, et la fumée me calma en emplissant mes poumons. Elle m'avait choisi pour dupe, pour instrument et pour complice. J'avais cédé devant sa volonté exactement comme elle l'avait prévu. Faux, son deuil inachevé, ses cauchemars et sa frigidité. Fausse, ses larmes. Fausse, son hésitation au moment d'avouer sa grossesse. Elle n'était venue que pour ça, et ne faisait que me préparer à la révélation finale. Après un instant de colère, je m'apaisais. Elle m'avait manipulé, certes, mais je l'avais percé à jour et j'étais libre à cette heure. Libre de ma décision. Je pouvais lui faire comprendre que je ne souhaitais pas enfreindre la loi et je n'entendrais plus jamais parler d'elle. Ou bien je pouvais lui procurer l'aide qu'elle souhaitait. Mon lecteur d'aujourd'hui aura du mal à se figurer la pression qui s'exerçait encore à l'époque sur les faiseurs d'anges. L'ombre de la guillotine n'était pas si lointaine et la religion s'accordait avec la loi pour dénoncer le crime de l'avortement. Je n'étais pas particulièrement religieux et assez éduqué pour prendre du recul par rapport à la loi. Et l'histoire de mes ancêtres, présente à ma conscience, m'empêchait de considérer la vie comme une chance. La vie ne l'était pas toujours, pas pour tout le monde. Certaines vies de douleur et d'humiliation ne valaient pas mieux que le néant. J'ai toujours eu cette certitude, et du plus loin que je me souvienne, la mort m'est toujours apparue comme une forme de délivrance. Mort de l'esclave, ultime approche de la liberté. Mort de l'enfant rejeté, échappatoire à une vie inutile. On ne pouvait pas plus lutter contre le désamour de sa mère que contre le mépris de toute une société. Je continuai à faire les 100 pas, plus serein pourtant depuis quelques minutes. Je repensais à une phrase de Sartre, dont la justesse psychologique m'a toujours laissé admiratif. Quand la délibération commence, la décision est déjà prise. Je me suis souvent servi de cette phrase dans ma vie, en des instants semblables à celui que je décris, afin de ne pas me perdre dans les méandres de la mauvaise foi. Il ne s'agit pas de faire semblant de me demander quelle décision j'allais prendre. Il s'agissait de découvrir, de révéler celle qui était déjà prise, celle que ma personnalité rendait nécessaire, celle qui s'imposait d'elle-même. Le souvenir du visage d'Audrey plus que de Pierre, je ne sais pourquoi, apparut à ma conscience dans toute sa fragilité et son intolérable inquiétude. Je la revis, s'agitant à l'enterrement de sa petite sœur. Je revis la main gantée de sa mère qui la pinçait pour la faire tenir en place. Je la revis s'immobiliser comme une petite statue, et je sus que je ne laisserais pas, s'il était en mon pouvoir de l'éviter, un autre bébé subir le même sort. Je ne savais pas alors, avec netteté ou certitude ce qu'il adviendrait d'Audrey, mais cette difficulté à vivre, son malheur, m'apparaissait déjà comme acquis et irréparable. Ce fœtus que j'ai aidé à tuer, ce bébé qui avec mon concours n'a pas accédé à l'existence, est-il le seul de cette fratrie à qui j'ai rendu service? Est-il le seul que j'ai sauvé, non de la mort, qui était inéluctable, mais de la souffrance intense qui accompagnait celle des autres? Je n'ai jamais remis en cause, par la suite, ma participation à cet avortement. Le spectacle de la vie des H, même lorsque l'issue tragique était encore lointaine, ne m'a jamais donné de regrets. Je n'ai jamais pensé, ne fût-ce qu'un seul instant, que cet enfant aurait pu être ou devenir heureux. Car les enfances malheureuses ne sont pas comme des années de prison ou de maladie, qui peuvent se vivre comme des parenthèses. Les enfances malheureuses sont des fondements sapés qui menacent ruine à chaque étape nouvelle, des ossements gâtés dont le destin est d'accumuler d'innombrables fractures. On se remet d'une enfance difficile, on ne survit que rarement à une enfance malheureuse. Le lendemain soir, je fus invité à dîner à la Pommeraye par M. H., qui passa vers midi, au volant de sa jolie voiture de sport, me prier de venir vers 19 heures. Il ne fut aucunement question de l'avortement, ni d'ailleurs de la grossesse de Madame H., ni non plus de Jessica. Tout se passa exactement comme si j'étais un vieil ami de la famille ou un associé, un partenaire en affaires, ce que j'étais d'ailleurs en quelque sorte. L'invitation fut très courtoise, et il m'était difficile de me dérober à cette invitation alors que j'avais déjà délibéré et décidé de leur venir en aide. Cette invitation était une question déguisée, d'une manière fort habile et fort bourgeoise. L'accepter, c'était implicitement accepter la requête de Madame H., accepter la complicité et les témoignages de reconnaissance qui s'ensuivraient probablement. La refuser, c'était implicitement couper les ponts avec cette famille, qui nierait à l'occasion avoir eu le moindre commerce avec moi. Dans les deux cas, le plus grand soin était porté à la sauvegarde des apparences. Je n'avais point besoin de me justifier, ni de revenir sur la question. Il me suffisait d'accepter ou de refuser une invitation à dîner. J'entrevis à travers ce procédé tout un monde d'intrigues, de services rendus et de retours d'ascenseur, qui m'étaient inconnus et qui me fascina. M. H. me traitait probablement comme il traitait un fonctionnaire à corrompre ou un employé encore honnête, mais qui devrait bientôt jeter ses scrupules aux orties. La curiosité me fit arriver en avance de quelques minutes et je fus reçu par la bonne, en tenue noire et tablier blanc, qui ne manqua pas de me dévisager avec l'effronterie des domestiques qui partagent les préjugés de leur maître sans en avoir reçu l'éducation. « Qui dois-je annoncer ?» demanda-t-elle d'un ton soupçonneux. « Le docteur Michel, » répondis-je avec roideur. Elle rougit légèrement et changea de ton. On lui avait sans doute recommandé la plus extrême politesse envers le docteur qui se présenterait, mais on avait omis de lui dire qu'il apparaîtrait sous la forme d'un homme noir. « On vous attend, monsieur. Je vous prie de passer au salon. » Je la suivis et fus surpris par le changement d'atmosphère qui avait eu lieu, non pas en 3 ans, mais entre l'atmosphère de la journée et celle de la soirée. Si la maison m'avait paru peu amène et quelque peu glaciale, elle me paraissait maintenant employée à son véritable usage, les réceptions. Tout y fleurait le décor de théâtre. La soubrette en habit, les portes fermées, les lumières tamisées de l'antichambre contrastant avec les vifs éclats du lustre en cristal et des miroirs du salon. Les cuivres, les ors, les porcelaines précieuses étincelaient. La lueur du feu de cheminée, dansante, les faisait presque vivre. On était là, au bord d'un engourdissement, qui appelait naturellement celui de quelques whisky hors d'âge, aux teintes chaleureuses et ambrées. La moralité était comme anesthésiée. C'est là l'effet le plus courant du luxe. On se baignait dans ces douces torpeurs comme en des termes vaporeux, à la chaleur étourdissante. On n'avait plus envie de discuter, ni de juger, ni de bouger, mais simplement de jouir. M. H. parut au bout de quelques minutes brèves, juste le temps de laisser son invité se mettre à son aise, lui donner le loisir de l'admirer, peut-être de toucher quelques objets, mais passer pour l'impatienter. Je pris un volume relié de cuir dans la bibliothèque pour me donner une contenance et le feuilletai distraitement en attendant mes hôtes. Mon attention fut brusquement attirée par des éclats de voix qui, pour traverser les épaisses cloisons et les tapis moelleux, devaient être assez vifs. « Ces enfants me rendront folle !» criait Madame H. « Maman, je t'en supplie !» cria une petite voix. Je t'ai déjà dit de ne pas supplier, tes supplications m'exaspèrent. Tu resteras dans ta chambre. » Il eut un fracas de porte, violemment fermé, des sanglots enfantins. « Si je t'entends pleurer, je te fais battre, entends-tu ?» Puis le silence se fit, et je sus qu'Audrey, une fois encore, s'était fait réduire au silence. Deux voix parlèrent encore, mais à voix plus basse, si bien que je ne compris pas la teneur de leur conversation. Puis M. H. entra. « Bonsoir, docteur Michel. Je dois vous prier d'excuser notre léger retard. Nous n'avons plus l'habitude des gens exacts. Mais que dit-on déjà sur la ponctualité ? Quelle est la politesse des rois ? Répondis-je. Mais je suis sûr, au contraire, que plus on monte dans l'échelle sociale et plus on trouve de retardataires. Vous avez raison, docteur, les valeurs se perdent. Ah, mais voici Pierre et sa mère. » Pierre entra en effet, tiré à quatre épingles et les yeux secs. Il me fit un sourire poli et distant, me tendit la main et conserva ensuite, pour toute la soirée, une contenance si silencieuse et si stoïque que je compris pourquoi il avait été autorisé, lui, à demeurer à table. Madame H., quant à elle, arborait une robe mi-longue, moirée, qui chatoyait aux lueurs du feu, et son humeur paraissait si enjouée qu'on eût pu croire que ce n'était pas elle qui venait d'élever la voix et d'enfermer sa fille. Je commençais cependant à connaître son talent d'actrice. « Et la petite Audrey, est-elle déjà couchée ? » demandai-je. « Oui, » répondit Madame H., sans hésiter. « Elle était très fatiguée après toute une journée de plein air, et nous avons préféré la faire dîner avant. » Plutôt que de regarder le visage de Madame H., lorsqu'elle me donna cette explication, je regardai celui de Pierre, qui regarda sa mère d'un air impénétrable avant de retomber dans son expression vide. Il existe pour ce genre d'occasion une grammaire très complexe des plats et de l'argenterie, des retards, des regards, des plans de table. Sans avoir jamais évolué durablement dans ce milieu bourgeois, je n'avais intuitivement la notion, toutes les grammaires me sont familières et aucun code, fût-il social, ne m'est étranger. Je perçus et compris beaucoup de choses en peu de temps. Tout d'abord, on n'avait invité personne d'autre, et ce qui aurait pu passer pour la marque d'une préférence, pour le privilège de l'intimité, était en réalité un camouflet. Les H condescendaient à me recevoir à leur table, dans leur maison, en tant qu'invités, et donc sur un pied d'égalité. C'était là leur maximum, la somme totale de tout ce qu'ils étaient capables de faire envers un homme de couleur. Ils n'avaient même pas songé à inviter le régulier, tant le mélange entre eux et moi leur paraissait saugrenu. Ils avaient peut-être même décommandé des personnes déjà invitées de longue date, afin d'arranger les choses au mieux. Le menu également parlait à leur place. S'ils ne pouvaient descendre à offrir à un invité le falacoque, la tranche de viande froide et les pommes de terre dont ils faisaient peut-être leur quotidien, ils n'allaient pas non plus se fendre d'un repas trop fin. Après tout, j'étais sans doute habitué, en bon descendant des peuples cannibales, à de grossières nourritures. On me servit donc un consommé assez ordinaire, un poisson frit accompagné d'une jardinière de légumes et un gâteau aux ananas, sans doute par allusion à mes origines tropicales, que Madame H. prétendit avoir fait elle-même avec l'aide de Pierre, qui ne confirma ni n'infirma l'information. M. H. tenta de m'écraser de toute sa hauteur par sa connaissance des whiskies, des cigares, de la musique classique et du cinéma américain. Je le laissai faire un certain temps, jouant avec une certaine jouissance secrète, le nègre admiratif, ébahi par la délicatesse et le degré de civilisation des Blancs. N'était-ce pas le rôle que j'étais censé jouer ? Mais je ne pus résister longtemps au désir trop humain de retirer mon masque. « Où avez-vous fait vos études de médecine ? » demanda M. H. pour mettre un terme à un blanc désagréable qui s'était installé entre le consommé et le poisson. « À Paris. »« Vraiment ? » dit Mme H. « Et ça n'a pas été trop difficile ?»« Difficile ? » répétai-je, pour la forcer à expliciter son sous-entendu. « Eh bien oui, l'adaptation a dû être rude. » Et le niveau à Paris doit être particulièrement élevé. En effet, il l'est. Le concours de médecine est l'un des plus difficiles que l'on puisse passer. Et je tiens cela pour une heureuse circonstance, car les médecins exercent une fonction bien lourde, presque sacerdotale à certains égards, et tiennent entre leur mal la vie et la mort. N'est-il pas légitime d'exiger d'eux, en particulier, le plus haut degré d'excellence ? Noblesse oblige, disait-on dans l'Ancien Régime. Eh bien, si la noblesse a changé de véhicule, et qu'elle ne passe plus par le sang, c'est du moins ce que l'on dit. Le mérite personnel n'en est-il pas l'équivalent actuel ? Vous êtes un vrai républicain, dit M. H. de l'air un peu absent d'un homme qui n'aime pas la politique, mais qui aime à employer certains de ses mots ronflants pour l'impression de virilité qu'il lui procure. En effet, vous voyez juste, et que pourrais-je être d'autre? La République est universelle et ne voit pas la couleur de la peau. Elle reconnaît le mérite où il se trouve, dans l'esprit du citoyen, et non dans le luxe des dentelles dans lesquelles il est né. Elle m'a fait ce que je suis, et même si la France peine bien souvent à se maintenir à la hauteur de ses idéaux, elle a du moins la grandeur d'avoir porté en elle ceux de la Révolution française. Monsieur et Madame H. échangèrent un regard surpris, un peu décontenancé. Je ne rentrais pas dans leur catégorie mentale. Cela m'est arrivé souvent, avec beaucoup de gens, au cours de mon existence. Mais laissons là ce sujet qui doit ennuyer notre charmante hôtesse, repris-je avec une pointe de galanterie machiste, totalement feinte, mais qui me paraissait à propos. Et plus encore notre jeune Pierre, qui ne doit rien entendre. « Je suis passionné d'histoire, monsieur, » dit-il avec déférence et contre toute attente, car étant donné l'épaisseur de son silence, ma remarque à son égard était purement rhétorique. « C'est vrai, jeune homme, mais cela est fort bon. L'histoire est une discipline noble et ancienne, et qui fut inventée par un véritable génie, le vieil Hérodote. « Je connais Hérodote, » dit-il, « et également Thucydide. « Pierre, ne coupe pas la parole aux adultes, » dit sa mère d'un ton sans réplique. « Tu ennuies le docteur Michel. » Mais pas du tout, voyons, au contraire. Le reste de la soirée se passa sans autre incident. Les H, qui avaient pris bonne note de ma relative supériorité dans la conversation, me traitèrent avec moins de condescendance, mais ils étaient relativement éteints. Pierre fut envoyé au lit suite au avaler sa dernière bouchée de dessert, qui était d'ailleurs fort médiocre. Puis la bonne vint desservir la table tout en nous invitant à prendre le café au salon. Je déclinai l'invitation, prétextant un fallacieux problème d'insomnie dû à l'excès de caféine, et écourtait la soirée. Les H me retinrent mollement par politesse, et l'on voulut m'offrir un cognac pour m'aider à dormir. Je déclinai encore, au soulagement manifeste de Madame H, qui affectait depuis quelques minutes une extrême fatigue. « Je vous ai apporté une adresse, » dis-je à Monsieur H en lui tendant un papier, tandis qu'il me raccompagnait dans l'air glacial de l'allée. Un confrère tout à fait sûr, d'une grande compétence et qui ne posera pas de questions embarrassantes. Est-il rompu à... C'est une intervention assez simple, qu'un vétérinaire serait probablement capable de faire, bien que je ne vous le conseille pas. Je ris moi-même de cette idée. Mais oui, repris-je, mon confrère a, sinon l'habitude, du moins l'expérience de ce genre de pratique. Très bien, dit Monsieur H. Je ne sais comment vous remercier, je sais ce que nous vous devons, mon épouse et moi-même. « N'y pensez plus, » dis-je, « j'ai écouté ma conscience. Votre femme, si je peux me permettre ce jugement de médecin et de psychiatre, ne semble guère portée sur la maternité. » Monsieur H. me regarda d'un air sérieux et même grave. « Vous avez entendu les éclats de voix, n'est-ce pas ?» me demanda-t-il sans animosité au bout d'une minute. « En effet, les relations de mon épouse et d'Audrey sont difficiles. Audrey n'a pas 7 ans, » fis-je observer. « Vous avez bonne mémoire. »« C'est mon métier, Monsieur H. Observer les gens, lire entre les lignes, entendre entre les phrases, et faire attention aux détails. Je suis psychiatre. »« C'est vrai. »« Eh bien, il me reste à vous souhaiter un bon retour en ville. Faites attention au verglas. La route pour sortir est peu empruntée. »« Monsieur H. » dis-je en montant dans ma petite voiture qui eut du mal à démarrer. « Oui. » »« N'hésitez pas à faire appel à moi, si votre famille est en souffrance. »« Je vous souhaite le bonsoir. » Il me regarda partir, et je le revois encore, je ne sais pourquoi, de la lumière jaune des phares. Je le revois comme un homme sur le seuil. Avait-il le désir de me parler ce soir-là? Ou l'idée l'a-t-elle simplement effleurée? Que se serait-il passé si j'avais pu m'occuper d'Audrey à cette époque-là, quelques années plus tôt? Avons-nous, tous les deux, et lui plus que moi, comme l'irréparable lâcheté, de laisser passer comme un orage ordinaire, la maltraitance d'une petite fille innocente?